Salut. On est sur Radio Cayenne. On est le lundi 26 novembre. Et vous nous écoutez sur radio.net comme tous les lundis à partir de 19h pour le direct et comme tous les autres jours à toutes les autres heures pour le H24. Ce soir, on est plein. Et ça s'entend pas, mais on est plein quand même. Et ce soir, on va parler, je vous dis en vrac, et puis de toute façon, on vous annoncera les sujets, comme à chaque fois, avant de les faire. Donc on va parler de Bure, on va passer un truc qui défonce Braise Info, on va parler de la guerre d'Espagne, on va parler d'une série et d'un groupe de musique, on va parler d'une victoire contre GCO. On va parler des squares à Nantes, on fera un agenda et peut-être d'autres surprises. Et avant de commencer, on voulait faire un petit retour sur la soirée de soutien de vendredi dernier. Ouais, coucou. Du coup, la soirée de soutien, c'était vendredi dernier, vendredi 23, à la mob. Merci à tous d'être venus, c'était vraiment hyper chouette. Perso, je me suis beaucoup amusée, ça m'a fait énormément plaisir de tous vous voir. Et merci à vous d'avoir installé une ambiance si chouette où les gens, d'après ce qu'ils m'ont dit, se sont sentis à l'aise. Le studio de Jingle a tourné à pleine balle. On a plein d'enregistrements à écouter, à découper, remonter un petit peu pour pouvoir les passer à l'antenne. On revient avec ça le plus vite possible. Également, merci pour les sous, on va pouvoir éponger toutes nos dettes, donc on est content. et je sais pas, pour la pêche à la ligne, ça nous a quand même fait rire de voir qu'il y a des gens qui ont participé à la pêche à la ligne et qui ont laissé les lots sur place. Bon bah, on les remettra dans la prochaine pêche à la ligne alors, ce sera la punition. Vous en sortirez pas comme ça. Ouais, ça suffit maintenant, on arrête les bêtises, comme a dit Macron. Donc voilà, merci à tous et peut-être qu'on pourrait remettre ça dans quelques mois. Hands up, guns out, run, run, now, one time. de ma vie, mon droit à la misère jusqu'à cette lettre qui dit encore merci. C'est ça où est Rémi dans un faubourg de Varsovie. J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un papou deux, mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tout goût des vieilles hommes et la mer, pour que continue le combat ordinaire. J'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coup de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieilles hommes et la mère. Continue le combat ordinaire. Moi je sais planter des clous, moi je sais rester debout, moi je sais souder à l'arc, et moi je n'ai jamais le trac, et moi je sais la peur du vide, moi je n'ai pas pris une ride. Je sais toucher le fond, et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat, moi j'ai des cales sur mes doigts. Moi j'ai toujours mes mains d'or, moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges, moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieilles hommes et la mère, pour que continue le combat ordinaire. Hola, hola, vous êtes toujours sur Radio Cayenne et c'est sympa comme tout parce que c'est un peu la meilleure radio qu'il soit. Du coup, qu'est-ce que je dis ? Là, je suis en train de regarder le nombre d'auditeurs qu'il y a et on a une petite dizaine, du coup, c'est chouette. Vous pouvez, n'hésitez pas à envoyer des petits SMS à vos copains et copines pour leur dire de nous écouter aussi, comme ça après, on est plein et c'est chouette. Alors là, on voulait vous passer des petits sons qui s'appellent « Paroles de malfaiteurs », qui sont des petites interviews d'une dizaine de minutes des personnes qui ont été mises en examen pour association de malfaiteurs qui aburent dans la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et du coup, bah, ils racontent un peu ce que ça implique, cette instruction, parce qu'ils ont les interdictions de se voir entre les différentes personnes qui font partie de cette association, ce que ça implique dans leur vie quotidienne, ce que ça change, et ils racontent aussi un peu eux et elles, leur implication dans cette lutte et tout ça. Alors ils ont sorti 4 interviews pour l'instant, du coup je crois qu'ils sont 7 ou 8 personnes en tout qui sont mises en examen là-dedans. Et du coup, on va vous en passer deux cette semaine. Vous passerez sûrement les autres la semaine prochaine. Du coup, la première, c'est Chloé. Et plutôt, elle fait. Elle a un truc qui met un peu moins le moral parce que elle, ça a l'air d'un peu plus, quand même un peu pas mal à toucher sur son moral quoi ce truc. Mais la deuxième, du coup, qui est une personne qui s'appelle Pivoine, a l'air de plutôt mieux s'en sortir moralement. Du coup, ça remet un peu la patate et se dire bon, même si il y a un gros truc de répression, bah il y a quand même moyen de pas être trop triste dans sa vie. Du coup, voilà. Alors, je m'appelle Chloé. J'ai 45 ans. Je suis née à Paris. Je suis dans la Meuse depuis 2 ans, je crois. Et ça fait 20 ans que je milite contre les violences systémiques, je dirais. Les dominations, les oppressions, le racisme, le sexisme, le capitalisme. Je suis arrivée dans la lutte à Bure parce que le nucléaire, je me suis dit que c'était la pire des violences, parce que la pire des violences systémiques, parce que c'est une violence qui est invisible, qui est inodore, incolore. Impalpable et définitive. Et c'est une violence politique parce que elle nous oblige à vivre dans une société entièrement dominée par la technologie, et ça pour l'éternité. Et aussi c'est une violence coloniale parce qu'elle suppose l'extraction du minerai en Afrique. C'est une violence globale qui est invisibilisé en fait, dont les gens n'ont pas conscience, mais qui pour moi, à l'échelle des différentes étapes de la filière nucléaire, en fait, crée une violence systémique globale que tout le monde subit, souvent sans en avoir conscience. Et pour moi, ça symbolise aussi la domination totale de notre société par la technologie, donc des technologies qui en fait au final, créer de la souffrance et de la mort et rendre impossible. Enfin, le nucléaire condamne la vie définitivement, condamne toutes les formes de vie, à partir du moment où il y a l'extraction, où il y a des accidents et où il y a des déchets. Je suis venue ici une première fois pendant la première occupation de la forêt, par des amis qui connaissaient cette lutte. Et en fait, quand j'ai découvert l'occupation de la forêt, j'ai compris déjà qu'il y avait quelque chose matériellement, concrètement, de beau qui existait, qu'il fallait défendre, qu'il fallait empêcher cette destruction-là, qui était donc le bois le Hue. Et aussi, j'ai découvert les gens qui militaient ici, et j'ai rencontré des gens qui, pour moi, avaient une empathie incroyable, une douceur, une gentillesse que j'avais pas rencontrée ailleurs de manière collective comme ça. À vrai dire, avant, j'avais une image du mouvement antinucléaire. Plutôt en mode contre-expertise scientifique, paranoïaque et ennuyeuse. En fait, les militants que j'ai rencontrés ici, c'était tout le contraire. C'était des gens qui donc vivaient dans une forêt, étaient bienveillants les uns envers les autres, se respectaient et avaient une empathie tellement forte en fait qu'ils pouvaient avoir conscience de la souffrance qui pouvait être causée à des gens ou à des êtres qui allaient vivre dans 100 000 ans. Et pour moi, c'était une puissance d'empathie en fait collective que j'avais rencontrée nulle part ailleurs. Et aussi une espèce de douceur collective qui se vivait à ce moment-là dans cette lutte, pareil que j'avais vu nulle part. Et aussi un humour, une capacité à être joyeux malgré un contexte absolument apocalyptique en fait. De ce qui se prépare en fait pour le territoire de la Meuse. Cette capacité à être vivant, heureux et à vouloir vivre dans une forêt au milieu de l'apocalypse industrielle, moi je trouvais ça en fait merveilleux et j'ai voulu rencontrer ces gens-là, les connaître mieux et vivre avec eux. Actuellement je suis mise en examen pour participation à un attroupement armé. Violence donc contre des gendarmes aggravée par 3 circonstances en réunion avec dissimulation du visage et avec menace d'une arme. Et j'ai été en garde à vue début septembre à cause de cette mise en... Enfin, la garde à vue s'est terminée par la mise en examen. Et depuis, je suis sous contrôle judiciaire. Donc, ce qui signifie que je peux pas sortir du territoire français, que je suis interdite de territoire dans les communes de Bure et Saudron, mais aussi que je ne peux pas entrer en contact avec toutes les personnes qui sont dans le dossier d'instruction globale d'associations de malfaiteurs liées à la lutte de Bure. Bah, tout simplement, ça m'empêche de militer, donc de vivre mes idées. Ça m'empêche d'aller à des réunions, de simplement faire des réunions pour pouvoir vivre au quotidien ensemble sur ce territoire et y construire des choses pour que ça soit autre chose qu'un un enterrement en fait qui se passe ici dans la Meuse. Il y a un certain nombre de personnes que je n'ai pas le droit de voir, mais je ne peux pas entrer en contact avec elles. Donc comment je fais pour savoir si cette personne que je n'ai pas le droit de voir va être au même endroit que moi? Si j'ai pas le droit de la contacter, comment je peux le savoir? Donc voilà, ça c'est un casse-tête chinois. Potentiellement, toute réunion, fête, repas, il peut y avoir une de ces personnes, comment est-ce que je peux savoir si cette personne va y être? Donc en fait, je me retrouve complètement isolée dans une espèce de vie monastique où je peux juste plus rien faire en fait de convivial, pratiquement. Et donc là, j'habite toute seule dans un appartement et je vois vraiment pas grand monde parce que à cause de ça. Et puis le foyer de sociabilité de la lutte de Bure, c'est la maison de la résistance à Bure, et donc cet endroit-là, j'ai pas le droit d'y aller. Donc à partir de là, comment est-ce que je peux avoir juste une vie sociale, même sans même parler d'avoir une vie militante, juste une vie sociale en fait. Ça devient extrêmement complexe pour moi, d'autant plus que maintenant je travaille et j'ai un travail extrêmement chronophage, je suis institutrice. Donc en plus j'ai très peu de temps à moi, donc le peu de temps que je pourrais avoir pour juste avoir une vie en fait, je suis empêchée en fait de faire toutes les choses, les rares choses collectives en fait que je pourrais vivre ici. Je suis en train de craquer nerveusement ces jours-ci, je dors plus la nuit. Je me réveille à 3h du matin et j'angoisse jusqu'à 7h, l'heure où je dois me lever. Je ressens énormément de solitude heureusement, je sais quand même qu'il y a de la solidarité entre militants, mais je la sens de loin parce que je peux pas la vivre au quotidien, en fait. Donc moi je suis une personne relativement fragile et j'ai beaucoup de mal avec la solitude, j'ai besoin de vie collective, j'ai besoin de moments collectifs, de convivialité, de chaleur humaine régulièrement, sinon je tiens pas et ben là je clairement je ne tiens pas. Je suis bloquée ici enfin voilà, il y a plein de choses qui du coup tournent en rond dans ma tête et qui fait que je me sens complètement bloquée dans ma vie et que là je me dis que je vais passer au moins un an de ma vie à être juste dans un espèce de monastère et à pas savoir en fait ce qui va me tomber dessus et parce que ça va peut-être être dans 5 ans, dans 10 ans, et donc je vais avoir cette espèce d'épée de Damoclès sur ma vie pendant peut-être 5 ans, 10 ans de ma vie sans parler du fait que ici voilà, on est surveillé, contrôlé à longueur de journée. Sans même parler de ça en fait, moi je peux pas vivre avec cette angoisse là en fait, d'autant que j'ai rien fait de mal. C'est ça Enfin, j'ai fait que militer, quoi. En fait, j'ai fait qu'exprimer des idées et je suis mise dans cette situation à cause de ça. Moi, j'ai blessé personne, j'ai attenté à l'intégrité physique de personne. Je supporte pas, en fait, d'être mise dans un tel état de pression et de solitude pour mes idées. Bah, j'essaie de trouver du courage partout où je peux, notamment auprès des quelques amis que j'ai quand même ici. Mais après, oui, évidemment, je laisserai jamais tomber mes idées. C'est vrai que là, on dirait que je suis brisée par la peur et par l'isolement. Mais je pense que c'est pas parce que je suis brisée nerveusement, émotionnellement, que mes idées sont brisées. Ça, ils les détruiront jamais. Effectivement, cette répression qu'on vit, pour moi, ça fait que me renforcer dans l'idée que le nucléaire induit forcément une société totalitaire, même si ici on le vit à l'échelle du territoire, on dirait que c'est un espèce de laboratoire de la répression. Moi, effectivement, ça ne fait que me renforcer dans l'idée que cette société-là, il faut la renverser en fait, parce que elle crée forcément un monde où on est complètement isolé, détruit intérieurement, où la beauté n'existe plus, où tout ce qui vit est détruit. Enfin, tout ce qui vit en nous aussi, toute la beauté qui est en nous, c'est ça qu'ils veulent détruire par la peur, par la soumission, par l'isolement. Et mais il y a, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent pas, en fait, qu'ils peuvent pas briser. C'est dans cette ressource qu'on a en nous qu'il faut trouver le courage de survivre. Moi, c'est Pivoine. Me présenter, je pense que ça suffit. Comment je suis arrivé ici, je pense il y a quelques années, où en cherchant, vu que je suis né dans le Grand Est maintenant, un jour je me suis renseigné sur ce qu'il y avait un peu dans le coin comme initiative, suite à ce qui se passait sur la ZAD ou à ce genre de problème, j'ai l'impression qu'il me faisait écho, quoi. De part aussi un engagement politique qu'on peut dire un peu naissant, quoi. Et du coup, je suis tombé sur le site de la Maison de la Résistance, l'association de Virton Libre. Et j'ai appelé, et puis je suis venu. Et du coup, c'était assez drôle, il y avait une personne à ce moment-là qui m'a accueilli, c'était assez chouette. Et puis au fur et à mesure, je suis repassé de plus en plus. Après plein de rencontres, plein de moments, c'est chouette. Et aussi plein de choses qui m'intéressaient là-bas sur une façon de voir les choses politiquement que je trouvais assez chouette, en tout cas par les personnes qui étaient à ce moment-là de la maison. Je sais pas, quelque chose qu'on va appeler de radicalité inclusive. Enfin, de faire des choses chouettes et déterres et bienveillantes et inclusives, quoi. Et des choses dont j'ai l'impression qu'ont été portées par pas mal de monde ces dernières années ici, quoi. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a fait venir et puis rester ici, parce que maintenant, j'habite, non, pas en Meuse, mais en Haute-Marne, mais à 7 km de Bure. Et je sais pas, je suis à la même distance du laboratoire que la maison de la résistance et l'aide du laboratoire, quoi. Je suis de l'autre côté de la petite colline. Et j'ai l'impression que y a plein de personnes ici qui sont contentes qu'il y ait un renouveau des pratiques, un changement de pratique. Et même encore pas très longtemps, j'entends des personnes qui disent en fait, on serait venu bousculer les grilles, cramer les AGECO il y a 15 ans quand il y avait les premiers chantiers ici, ben ils seraient partis. Parce qu'en fait, c'est en montrant une détermination face à ce projet-là, en montrant que nous, habitants, moi maintenant je me considère comme habitant, j'habite ici, quoi. Que habitant, on se laisse pas marcher dessus par un projet qui nous dépasse, et ben en fait on arrive à être entendu, quoi. Comme c'est dans le cabinet du ministre qui avait reçu des opposants qui avait dit bah, peut-être un jour si vous êtes 10 000 à Bar-le-Duc, on vous entendra, tu vois. En tout cas au mois de juin, on n'était pas loin de 5 000. Je pense que ça fait très longtemps que ça n'avait pas bougé. En tout cas, j'ai l'impression que ces événements là récents, moi de beaucoup de personnes que je croise ici parce que je bouge beaucoup dans le coin, elles changent, quoi. Ça sort un peu de cette résignation. Ils sont aussi contents que les choses se passent. Il y a même plein de gens qui disent bah, « Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Bah oui, mais enfin, viens, on le fait ensemble, tu vois. Il y a une façon globale de voir la lutte, quoi. Où oui, il y a l'antinucléaire, mais pas que. Je pense qu'ici, il y a quand même plein de choses qui posent question sur ces territoires qui sont en partie abandonnés par l'État. Ou en tout cas, actuellement, ici, où c'est l'État par les subventions du GIP, enfin, par un organisme subventionnaire nucléariste, je sais pas comment on peut dire, là, le GIP, qui donne de l'argent ici, alors que normalement, l'État devrait le donner normalement. Du coup, elle apparaît comme la main sauveuse, alors que finalement, c'est la même main qui fait taire les gens ou qui les met dans des situations de galère, quoi. Et puis, faire des choses sur des secteurs par ici... Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça a du sens en fait de retrouver des choses que tu fais toi-même, le faire avec des voisins, des amis, retrouver une vie qui sort du capitalisme sans être en autarcie. Enfin, moi ça m'intéresse pas d'être en autarcie, quoi. J'ai envie de faire des liens avec d'autres et faire des choses avec des gens ici, quoi. Il y a l'interdiction de voir plusieurs autres personnes. Donc, qui augmente en plus à chaque fois. Au départ, c'était 8, 9, 10 maintenant, je crois. Quand ça s'arrêtera. Il y a l'interdiction d'aller en Meuse, sachant que j'habite à 2 km de la Meuse. Il y a l'interdiction de sortie du territoire français. Et la quatrième, qui est un suivi du SPIP, qui est le service de probation d'insertion pénitentiaire, ou service pénitentiaire d'insertion probation, enfin d'aller à des rendez-vous pour montrer, je sais pas, mon état, je sais pas, des papiers, machin. Les adresses, enfin, d'avoir un suivi, si je travaille, si je cherche du travail, si voilà, ce genre de choses. Si je vais aller à Nancy, qui est la ville un peu grande, où il y a plein de choses qui se passent dans le Grand Est, avant, du coup, par rapport à ici, c'était traverser la Meuse, je mettais, c'est 1 heure à peu près, maintenant tu es obligé de contourner le sud de la Meuse, en passant par les Vosges, pour rattraper, du coup, tu mets 1 heure et demie de route, quoi. Après, ce genre de choses, c'est vrai que ça a un coût un peu financier, j'ai l'impression, de temps. Après, moi, j'ai l'impression que c'est pas des choses qui m'impactent, ou en tout cas que j'ai pas envie que ça ait prise. En fait, je laisse pas vivre. Ou après, c'est sûr qu'il peut y avoir des trucs d'hypervigilance, quoi. Tendance à regarder la voiture qui passe devant la maison et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est au début ou après. Moi, maintenant, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux par rapport à ça. J'ai pas l'impression, en tout cas, vu que je veux pas que ça ait prise, j'ai l'impression d'avoir un peu cette force et que ça l'a pas prise. En fait, et du coup, je le vis plutôt bien. Non, mais je sais pas, c'est un peu peut-être provoque de dire ça, ou je sais pas. Peut-être que l'étape d'après, parce que là, vu le contrôle judiciaire qui est déjà hyper drastique, c'est assez drôle parce que, avec le conseiller SPIP, le dernier coup, je le regarde et du coup, on parle de ce qui se passe. Je fais, bah, regardez les mesures que j'ai, en fait, c'est déjà, c'est une peine. Il fait, oh, oui. Il avait du mal à le dire, quoi. Et en fait, des contrôles judiciaires de cet ordre-là, en fait, c'est. J'ai l'impression qu'il y en a très peu en France, quoi. Et qu'en tout cas, c'est déjà une peine. C'est un acte politique répressif. Du coup, après, je sais pas, on continue à vivre, quoi. L'étape d'après, c'est quoi? La prison, la mort? Enfin, je sais pas, quand tu vois les luttes qui se passent ailleurs et les événements répressifs, j'ai l'impression que là, certes, on a des privilèges. En fait, moi, je suis privilégié parce que, enfin, je sais pas, je vais pas faire forcément la liste de mes privilèges là, mais en fait, j'en suis conscient. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une mise en danger quand on lutte, et de l'accepter. Et j'ai l'impression d'avoir accepté ces choses-là, et je ne sais pas qu'est-ce qui va m'attendre après. J'ai l'impression qu'on peut rentrer sur... Enfin, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Oui, ben, on va prendre dans les dents, mais bon... en fait, c'est... Tant pis, trop tard, je ne sais pas. C'est là, et puis on verra ce qui va arriver, quoi. Je pense à la volonté du contrôle judiciaire de couper ces liens. Bah, on voit, enfin, moi j'ai l'impression que si on analyse un peu le fait de ne pas voir les autres personnes qui sont plein de personnes impliquées dans la lutte souvent depuis un certain temps, qui plutôt s'aiment bien et font plein de choses ensemble, c'est vouloir casser l'organisation de la lutte ici. Moi par exemple, m'empêcher d'aller en Meuse alors qu'en fait je côtoie plein de gens, d'amis, militants ou pas, mais en Meuse et en plus. Quand ça fait un certain temps que t'es là, t'as des liens avec plein de personnes, quoi. Bah, c'est casser un réseau, j'ai l'impression, ou en tout cas, de vouloir, moi, par exemple, m'extraire de ces possibilités de lien avec les gens. Enfin, c'est pas ça qui va nous arrêter, quoi. Enfin, en tout cas, moi, qui va m'arrêter. Vivre ici, c'est quelque chose qui est pas forcément évident, pour tout le monde, hein. Pas forcément en tant que néo-habitant du secteur ou ce genre de choses, quoi. J'ai l'impression quand je vois mes voisins ici, il y a plein de situations très compliquées. Après, j'ai l'impression que venir faire le choix d'habiter ici, c'est quelque chose qui a été compliqué, où j'ai vraiment remis en cause avec ces interdictions, ce contrôle judiciaire qui est assez lourd, alors que j'étais en train d'acheter une maison ici. Et finalement, je me suis dit que ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie de faire. Après, sûr que sur le coup, ça fait un peu chier. Puis après, maintenant, en fait, j'ai rencontré plein d'autres personnes. Je fais d'autres choses autrement. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas ça qui m'arrête. et qu'en fait on faut passer outre. Enfin, que c'est juste des bâtons dans les roues, je sais pas comment on peut dire, mais. Voilà, la suite, je pense, ça doit être continuer les projets que j'ai en cours aussi, quoi. Rénover cette maison, la rendre plus chouette pour moi et les gens qui ont envie de me rendre visite ici. Continuer le projet de grand jardin que j'ai à 500 mètres de cette maison. Et en fait, continuer à faire le show. Enfin, j'ai l'impression que déjà, ma vie, elle est là et elle a du sens. En tout cas, j'essaie de lui donner du sens ici. J'ai l'impression que ça marche bien. Et j'ai l'impression que du coup, continuer. Et du coup, ma vie, c'est aussi la lutte ici. En fait, mon quotidien, c'est parler avec des gens. J'ai l'impression d'être. Enfin, de. Quand me promener, tu croises des gens, tu as un lien. Il y a plein de gens, j'ai l'impression, dans les villages aux alentours, même sans me connaître directement, savent qui je suis ou ce que je fais ici. Et que ça donne du sens. Et qu'en fait, la lutte, même si je ne peux pas voir mes amis ou aller à une manifestation ou à une réunion ou à d'autres choses, qu'en fait, je continue à porter la lutte autrement. Et qu'en fait, elle est tellement. Pas. Enfin, je sais pas. Imprégnée. Je sais pas comment, quel mot serait juste. Qu'en fait, c'est là, en fait. On a les deux pieds dedans et on continue. Et l'avenir, on verra, quoi. Résiste sur Radio Cahier. Suis ton cœur qui insiste sur Radio Cahier. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi aussi et persiste sur Radio Cahier. Voilà, voilà. Alors, pour continuer, du coup, sur suite à ces deux petites paroles de malfaiteurs, Rosis, peut-être que vous souvenez que, du coup, en début de mois, il y a eu un peu plein de balles de malfaiteurs dans toute la France. Et, enfin, d'ailleurs, il y en a encore. Le 1er décembre, il y en a un au marché de Noël de Montélimar. Non, pas marché de Noël, marché tout court de Montélimar. Et du coup, depuis, il y a eu les rendus de plusieurs procès, qui étaient donc le 13 novembre. Et je me trompe de fenêtre pour le lire. Et du coup, c'était, je vais vous dire rapidement, il y a eu deux copains qui étaient poursuivis pour des blocages de travaux dans le bois de jus en début 2017, qui ont été relaxés pour les faits de violence, mais il y a une copaine qui a quand même pris 150 euros d'amende pour refus de signalétique. La copaine qui a été poursuivie pour outrage et rébellion en réunion sous la forme d'un crachat a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour l'outrage et le refus de signalétique. Il a également été condamné à payer 450 euros à la partie civile pour les préjudices moraux. Il y a aussi le copaine jugée pour outrage, menace, violence et le refus signalétique qui a été condamné à 3 mois de prison, aménageable sans mandat de dépôt et à la révocation de son sursis. Une audience aura lieu le 14 janvier en ce qui concerne les demandes de la demi-douzaine de flics qui se sont constitués partie civile. Rien que ça. Et la copaine qui a été poursuivie pour outrage et rébellion, mais à croire que les gens sont poursuivis que pour outrage et rébellion. Dans le cadre de l'intervention de la gendarmerie à la maison de résistance le 22 février, c'était quoi? C'était les perquis? Je ne sais plus ce qui s'était passé. Bref. Était condamné à 750 euros d'amende, dont 600 avec sursis, et a versé la douce somme de 100 euros au commandant Dubois, qui était le commandant de toutes les opérations quoi, sur Bure à ce moment-là, et qui s'était constitué en partie civile. Et le copain qui a été poursuivi pour outrage suite à un contrôle routier à côté de la maison de résistance cet été a été condamné à une amende de 250 euros. Donc voilà quoi, ça rajoute à la longue liste d'amendes, de mois de prison, de procès, tout ça quoi, qui n'a pas fini d'augmenter, on dirait bien. Et les personnes qui sont dans l'association de malfaiteurs étaient allées du coup le 14 novembre à la cour de cassation pour demander la levée de leur contrôle judiciaire qui est pour la plupart en fait basé sur beaucoup de vide. C'est plutôt des trucs assez bidons. Et du coup, ils auront leur rendu le 28 novembre. Et voilà. Du coup, affaire à suivre. Et du coup, si vous voulez retrouver, oui, je voulais dire, si vous voulez retrouver les paroles de malfaiteurs parce que vous avez mal entendu, parce qu'on a peut-être mal géré la technique, vous pourrez réécouter. Tout simplement, elles sont disponibles. Bon, c'est pas de ma faute, mais elles sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Paroles de malfaiteurs, où on doit pouvoir retrouver les liens aussi avec toutes les autres infos de la lutte là-bas sur burburbur.info. Burburbur.info. Et sur le fameux blog nous sommes toutes. Non, nous sommes tous des malfaiteurs.noblog.org. Voyager. Dans autant dans les basses, ils sont jaunes. fabrique